Je kiffe comme une bête sauvage. Je me régale, je fais fermenter la levure. J'aspire à l'air libre là-bas au-delà de la vitre. Clonez-moi, clonez-vous. La vie est un masque, une mascarade tranchante comme une lame, tandis que tout s'effondre. Ai-je votre attention maintenant? Il tue la vache à lait, il n'y a pas d'échappatoire. Femme et bonne sœur, tous les clones free. Il n'y a plus de plaisir au soleil. Dites adieu à Hollywood, j'aime. Il est mort. Et nous sommes tous prisonniers ici. Du derrière d'un rhinocéros, je ris et je tranche, je suis irremplaçable, tout est traçable. On paye plus pour la guerre, mais pas un sou pour les pauvres victimes échouées sur le rivage, pour les putes Hollywood. Ai-je toute votre attention? Ils sont en train de tuer la vache à lait, il n'y aura aucune échappatoire pour les 27. Tous les clones fuient, fini le soleil. Adieu Hollywood. De contempler cette lueur. Il est mort, Jim. On vit dans une simulation et on ne peut pas en sortir. Adieu Hollywood, adieu mon bébé. Distrais-nous avec des clones, des bombes et des meurtres. Ça n'arrête pas, tout le monde court. Ai-je toute votre attention? Ils sont en train de tuer la vache à lait. Il n'y aura aucune échappatoire. C'est les 27. Tous les clones fuient, fini le soleil. Adieu Hollywood. Temps de contempler cette lueur. Fusillade de masse à travers le monde. Je pense au pillage. Tout a été mis en scène pour attiser la colère populaire. Un masque cache un visage. L'humanité a disparu sans laisser de traces.